Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le président de la République du Burundi met en garde certaines banques commerciales qui autorisent des retraits de plus d'un milliard de francs burundais sans savoir leur destination. Évariste Ndayishimiye l'a dit lors de la célébration vendredi de 60 ans d'existence de la Banque de la République du Burundi, BRB. La conférence des évêques catholiques du Burundi, SECAB, regrette qu'il subsiste encore des cas de discrimination et de disparition forcée. C'est à travers un communiqué, lu au cours de la messe de ce dimanche, dans toutes les paroisses du pays, communiqué annonçant le jubilé de 2025 ans de l'Église catholique. Le Burundi devrait adopter un nouveau modèle de tombe écologique comme soulevé lors de la validation des nouveaux documents de la politique foncière nationale. Vous entendrez les explications d'un expert en matière foncière et enseignant d'université qui regrette qu'inhumer les morts dans les cimetières construits à l'aide des matériaux durables réduira les propriétés foncières dans le pays. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président burundais hausse le ton face à certaines banques commerciales qui autorisent des retraits de plus d'un million de francs, des milliards de francs burundais sans savoir leur destination lors de la célébration vendredi des 60 ans d'existence de la Banque centrale. Évariste Ndayishimiye a informé que des enquêtes ont déjà commencé pour démasquer certains individus. Le chef de l'État s'est en outre montré catégorique quant à la revalorisation de la banque des banques, donc la banque centrale. Il ne peut en aucun cas, dit-il, accepter le désordre économique dans le pays. On l'écoute traduit en français par Mireille Kanyang. Pour vous, banquier, un individu qui fait un retrait d'un milliard, où est-ce qu'il amène cet argent? Et vous allez dire que ça n'existe pas. Cela fait moins d'un mois que nous avons effectué des enquêtes. Celui qui fait un retrait d'un milliard et demi de liquidités charge son véhicule. Quelle est la destination? Vous qui dirigez les banques commerciales, où est-ce qu'il amène cet argent? Vous l'autorisez à faire ce retrait pour quel but? Maintenant, nous connaissons même leur nom. Nous allons commencer à les interroger sur la destination de ces montants. Ils vont nous montrer cet endroit parce que c'est cela qui influe sur le marché noir. L'autre enquête que j'ai menée, c'est sur les importations de luxe. J'ai mis la main sur des importateurs qui ont utilisé d'énormes montants en devises. Je leur ai demandé, avez-vous amené des liquidités en dollars ou en francs burundais dans une banque commerciale? Ils ont répondu qu'ils ont pris des dollars en provenance du marché noir. Alors, dites-moi, vous qui êtes dans les banques commerciales, est-ce que les devises sont transférables, oui ou non? Si oui, où est-ce que ces gens trouvent ces devises? Alors, où est-ce qu'on met ces liquidités une fois à la banque commerciale, puisque la BRB n'est pas avisée? Je suis convaincu que le combat économique est synonyme de combat d'argent. Vous pouvez amener tout ce que vous avez. Et moi, j'amènerai toute mon intelligence, toute ma technique. Je ne peux pas accepter l'échec en matière d'économie. Vaut mieux que je meure. Je ne peux pas accepter le désordre économique. La BRB doit recouvrer sa valeur. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Le président burundais Évariste Ndayishimiye dans les traductions françaises de Mireille Kanyang. Je vous l'avais dit dans les titres, la conférence des évêques catholiques du Burundi, SECAB, déplore qu'il subsiste encore des cas de discrimination et surtout au niveau institutionnel. C'est à travers un communiqué lu au cours de la messe de ce dimanche dans toutes les paroisses du pays, communiqué annonçant le jubilé de 2025 ans de l'Église catholique. La SECAB regrette également que la pauvreté ne cesse de s'aggraver dans le pays, mais aussi qu'il existe encore des cas de disparition disparition forcée. Suivez un extrait de ce communiqué lu par Abbé Viateur Naratazé à la paroisse cathédrale Regina Mundi, traduit en français par De Horeb Ingabire. Cette date arrive au moment où il y a des signes qui ne donnent pas espoir en ce qui concerne l'économie, le social et autres. Comme nous l'avons évoqué le troisième dimanche de Pâques, il s'observe encore ceux qui ont un comportement discriminatoire, qui s'approprient tout le pouvoir de diriger et qui détournent les fonds publics. Il y a l'impunité et la justice qui ne fait pas son travail comme il le devrait. Les postes sont offerts en considérant l'envie de travailler pour le parti au pouvoir ou acceptent des pots de vin sans considérer les capacités de l'individu. On constate encore des gens qui sont enlevés et disparaissent ainsi. La pauvreté ne cesse de s'empirer. Certains gens manquent les produits de première nécessité. Le chômage qui persiste pousse certains jeunes au désespoir car ils ne voient pas l'avenir. Certains conjoints divorcent à cause de la pauvreté, la régression de la qualité de l'enseignement et ses conséquences. Même si tout cela est déplaisant, gardons espoir que ce jubilé soit un moyen de se donner confiance, un moyen qui va nous pousser à trouver solution à tous ces problèmes et dépasser cette situation. Inhumer les morts dans des cimetières construits à l'aide des matériaux durables comme du ciment, des carreaux et des fer à béton réduira les propriétés foncières du Burundi dans l'avenir, ce qui a été soulevé par un expert en matière foncière et enseignant d'université. C'était vendredi lors de la validation du document de la politique foncière nationale. Dr Emery Nokuri indique que l'une des propositions de la nouvelle politique foncière est de définir un modèle de tombes écologiques, comme c'était d'ailleurs le cas pour le Burundi ancien. Suivez-les. Dans l'analyse de la politique foncière, on a constaté dans toutes les provinces du Burundi que la question des cimetières est une question délicate. Pourquoi? C'est parce que d'abord les cimetières sont installés sans études préalables. Prenez par exemple le cimetière de Mpande. Celui-là, il est d'abord installé dans une réserve naturelle, ce qui n'est pas d'abord normal. Ensuite, il est installé dans une région où la nappe phréatique n'est pas à plus de 5 mètres, alors que la loi dit que ça doit être à plus de 5 mètres. Au niveau de la conséquence, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que quand au niveau de la nappe phréatique va monter, les nappes phréatiques vont être contaminées notamment par le mercure qui a été ingéré par le corps humain avant le décès. Et ici, on a des problèmes surtout aussi au niveau des méthodes d'inhumage. On construit des cimetières à matériaux durables avec des carreaux, parfois même avec des toits, ce qui n'est pas durable ni au niveau de la gestion de la ressource terre, ni au niveau environnemental. Et l'une de la proposition de la politique foncière, c'est de faire quoi? C'est de définir un modèle de tombe écologique en s'inspirant des anciens Burundais qui ne construisaient pas des maisons et pourtant ils aimaient les leurs. On s'inspira des musulmans, on s'inspira d'autres pratiques, où dans certains pays, on enterre les morts, puis on y met seulement une tombe qui mentionne leur nom, la date de naissance et la date de décès seulement, ce qui fait que ce mode d'enterrement sera protectrice de l'environnement, mais aussi va préserver les terres agricoles. Docteur Emery Nokuri, expert en matière foncière et enseignant d'université, dont les propos ont été recueillis par Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Parlons santé à présent. Plus de 1900 personnes de la province de Bururi vivant avec le VIH-Sida sont sous traitement antirétroviral. Ces données sont enregistrées au Bureau provincial de la santé à Bururi jusqu'au mois d'octobre de cette année. C'est au moment où l'année écoulée au même mois. Ces chiffres n'avaient pas encore dépassé 1889 personnes. Le gouverneur de cette province appelle toutes ces personnes à prendre convenablement les médicaments et à toute la population à prévenir cette maladie et à se faire dépister pour que chacun puisse connaître son état de santé. Il a dit au cours de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida dans sa province. C'était ce vendredi, Zenon Nzambimana. Selon les données en provenance du Bureau provincial de la santé à Bururi, 1918 personnes vivant avec le VIH-SIDA enregistrées jusqu'au mois d'octobre de cette année sont sous traitement, dont la majorité sous les antirétroviraux. Jusqu'au même mois de l'année 2023, toute la province de Bururi comptait 1889 personnes sous ce traitement, ce qui signifie que 29 nouveaux cas se sont ajoutés en une période d'une année. Le gouverneur de la province de Bururi, en même temps président du comité de lutte contre le sida de la province de Bururi, appelle toutes ces personnes vivant avec le VIH-SIDA à prendre convenablement les médicaments pour éviter d'être emportés par les maladies opportunistes. Colonel Dasman des Amasson invite également tous les administratifs à tous les niveaux, les responsables sanitaires et les représentants des associations des personnes vivant avec le VIH-SIDA à Bururi à multiplier les sensibilisations sur la prévention de cette maladie, surtout à l'intention des groupes vulnérables, dont les jeunes de l'âge compris entre 15 et 24 ans, et sur le dépistage, car l'objectif est qu'en 2030, 95% des personnes vivant avec le VIH-SIDA seront informées sans exception aucune sur leur état de santé. Le gouverneur Bandes Amasso a lancé cet appel ce vendredi au stade de Kabuye. C'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida au niveau de la province de Bururi. Une journée célébrée normalement le 1er décembre de chaque année. De même que Gérald Batungwanayo, président provincial de l'association des personnes vivant avec le VIH-SIDA à Bururi, ils appellent la population au respect des droits des personnes vivant avec le VIH-SIDA dans la communauté. Surtout que le thème central de la journée mondiale de lutte contre le sida de cette année est centré sur la promotion des droits humains dans la riposte au VIH-SIDA. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Ainsi la fin de cette édition, mais je vous en rappelle les titres. Le président de la République du Burundi met en garde certaines banques commerciales qui autorisent des retraits de plus d'un milliard de francs burundais sans savoir la destination. Évariste Ndayishimiye l'a dit lors de la célébration vendredi de 60 ans d'existence de la Banque de la République du Burundi, BRB. La conférence des évêques catholiques du Burundi, SECAB, regrette qu'il subsiste encore des cas de discrimination et de disparition forcée. C'est à travers un communiqué lu au cours de la messe de ce dimanche dans toutes les paroisses du pays, communiqué annonçant le jubilé de 2025 ans de l'Église catholique. Le Burundi devrait adopter un nouveau modèle de tombes écologiques comme soulevé lors de la validation des nouveaux documents de la politique foncière nationale. Vous avez entendu les explications d'un expert en matière foncière et enseignant d'université qui regrette qu'inhumer les morts dans des cimetières construits à l'aide des matériaux durables réduira les propriétés foncières dans le pays. Point final à cette édition. Eric Wiman a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis.